Ou en streaming sur internet, c'est l'asile le plus sûr. Ce soir, émission très spéciale puisqu'elle sera entièrement consacrée au collectif Smegma à l'occasion de la sortie d'un très très beau coffret chez Vinyl On Demand qui retrace la période de ce groupe américain entre 1973 et 1986. Alors Smegma est un collectif de freaks qui a commencé à pratiquer les musiques à orientation oblique et l'improvisation dada à Los Angeles et Pasadena en Californie à partir de 1973 avant de s'établir à Portland dans l'Oregon en 1975. Au départ, il s'agissait d'un petit groupe de 7 musiciens affublés de pseudonymes assez rigolos tels que Jusuk Read Meat, Cheese Eat Ritz, Chuko Fats, Denise Duck, Amazon Bombi, Cheese Bro et Dr. Id, de son vrai nom Mike Lastra, qui a monté le studio Smegma dans lequel il a enregistré quantité de groupes. Dr. Id a aussi beaucoup contribué au groupe Smegma avec des sons concrets et il les a connectés à la scène punk qu'il a abondamment filmé. Il y a une bonne quantité de musiciens qui ont participé à ce collectif Smegma et il y a eu des collaborations assez remarquables en un peu plus de 35 ans, par exemple avec le violoniste Lee Roquet, avec Wildmind Fisher, Steve McKay, le fameux saxophoniste des Stooges, le clarinettiste Free Perry Robinson et plus récemment Smegma a beaucoup collaboré avec les gens de la noise, par exemple Merzbow, Wolf Ives ou encore Carlos Giffoni. Alors le truc de Smegma, c'est une sorte de croisement entre free rock brut, une sorte de free rock à la Velvet Underground des débuts, également le free jazz à la Ornette Coleman, parfois des échappées vers le rockabilly ou le garage punk. Cela peut donner des improvisations assez chaotiques et psychédéliques où les instruments faits maison côtoient les sons concrets, les spoken words. On va pouvoir s'en rendre compte avec une heure un quart non-stop de Smegma, issu de ce coffret rétrospective de la première époque du groupe, que vient donc de publier le label allemand Vinyl On Demand sous le titre « I am not artist ». Alors, c'est une vraie mine d'or, ce coffret pour découvrir Smegma. Il regroupe en 6 vinyles, d'une bonne heure chacun, les frasques de ce groupe, avec notamment les deux premiers albums, Glamour Girl 1941, sorti en 1978 par leurs camarades des Los Angeles Free Music Society. Des titres qui étaient éparpillés aussi sur diverses compilations publiées également par le Los Angeles Free Music Society. Il y a aussi le deuxième album en date de Smegma en 1982, album qu'ils avaient autoproduit sur leur propre label Pigface. Leur premier 45 tours, des cassettes d'archives sonores assez introuvables sous le titre Spontaneous Sound Live, et également un DVD d'archives vidéo produite par Mike Lastra, Dr. Id, donc, notamment son film de 1983 qui retraçait la première décennie de Smegma. Donc je vous propose 1h15 non-stop de ce coffret I'm Not Artist de Smegma. On se retrouve à l'issue de cette 1h15 pour conclure l'émission. Bonne écoute. Giant robot. Try not to play the joke. No, no, no, no, no, no.

doesn't sound like anything you ever heard before. It just rips and works. Thank you. economy was in deep trouble. Yeah! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Et voilà donc les frasques sonores du groupe américain de Portland, Smegma. Une heure passée en leur compagnie, extrait des 6 heures publiées en sextuple vinyle par Vinyl On Demand, avec également un DVD dans ce coffret que vous pouvez d'ailleurs vous procurer à Rennes chez notre excellent disquaire Blind Spot. Smegma qui est toujours en activité, là c'était la première époque 1973-1986. On aura l'occasion d'en reparler dans l'asile le plus sûr. On va terminer avec un dernier titre extrait de ce coffret de Smegma, I'm Not Artist, publié donc par Vinyl On Demand, un morceau limite jazz. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. We'll be right back. Yeah.